الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc je vais remplacer Ammar pour pas qu'il y ait rien ce soir. On va continuer dans le tafsir. Mais je vais peut-être faire jusqu'à 10h30, Inch'Allah. On va faire 40 minutes. Déjà c'est beaucoup. Et en plus, je dois avoir Abdelkarim. Comme ça je ferai l'Aïcha Lil, Inch'Allah. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. يقول الله عز وجل والسماء ذات البروج يعني يحلف الله عز وجل ويقسم بالسماء ذات البروج فيقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى والسماء ذات البروج أي ذات المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى ورحمته وسعة علمه وحكمته يعني البروج مواضع الكواكب أو المجموعات من النجوم في السماء هذه هي البروج donc on est dans la sourate البروج donc le premier verset dit والسماء ذات البروج c'est-à-dire je jure par le ciel qui a les constellations. Donc, quel bourroud, hein? Non, on l'a fait. Qu'est-ce que t'as? On l'a fait, ouais? On l'a fait, ouais. Ah. C'est le Sardar qui t'a manqué de l'année. Si, ouais, Fasaoufa yuhasabu hisaban yasira, tout ça, ouais, on l'avait fait. Bishafaq wa leili wa ma wasaq. T'étais assis là-bas. Je m'en souviens. Maalish. Oui. Donc Allah Azza wa Jal dit je jure par le ciel qui a des constellations. Donc Al-Buruj, c'est le pluriel de Barj, c'est-à-dire les orbites, les endroits où ils sont les astres, comme le soleil, la lune, les planètes, et aussi c'est les constellations, c'est-à-dire les groupements d'étoiles dans le ciel. Donc ces groupements d'étoiles, comme il le dit ici, ils montrent dans la façon dont ils se déplacent et leur organisation, parce que les astres ils sont organisés et ils bougent d'une façon organisée, ils prouvent la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi ils prouvent sa grande science et sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Wal yawmil maw'ud wa huwa yawmul qiyamah alladhi wa'ada Allahu al-khalqa an yajma'ahum fihi wa yadhumma fihi awwalahum wa akhirahum wa qasiyahum wa daniyahum alladhi la yumkinu an yataghayyar ولا يخلف الله الميعاد يعني اليوم الموعود هو طبعا يوم القيامة. Donc ensuite il a dit واليوم الموعود et je jure par le jour promis. موعود c'est-à-dire promis. Donc c'est le jour du jugement dans lequel Allah nous a promis qu'il allait nous réunir, le proche d'entre nous comme le lointain, le premier c'est-à-dire Adam jusqu'au dernier des êtres humains. Donc c'est un jour qui ne peut pas changer et son rendez-vous il est fixé et il ne changera pas. وشاهد ومشهود يعني هذا قسم ثالث وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف أي مبصر ومبصر وحاضر ومحضور وراء ومرئي يعني هذه الآية عامة وجاء في تفسيرها كلام كثير مثلا يقال الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود هم الأمة كما قال عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وكذلك كما جاء في الحديث أن هذه الأمة يعني أمة محمد تشهد على الأمم السابقة تشهد على ماذا؟ على أن أنبياءهم ورسلهم جاءتهم وبلغتهم الرسالة فالشاهد قد يكون هذه الأمة المحمدية والمشهود بقية الأمم أو الشاهد كل الرسل الأنبياء والرسل لأنهم شهداء على يعني ضد قومهم لكن المهم هذه الآية لا يحتاج إلى تخصيص كل ما تحتمل هذه الآية من شاهد ومشهود فيدخل فيه كذلك الأرض مثلا تشهد على بني آدم يعني إذا تحدثت بما أوحى الله لها كما جاء في بعض الآيات القرآنية كذلك أعضاء الإنسان الأيدي والأرجل والألسنة سوف تتكلم والله عز وجل ينطق ما يشاء وهو الذي أنطق كل شيء تتكلم وتشهد على الإنسان نفسه إذن يعني الشاهد ومشهود هذا عام يدخل فيه أشياء كثيرة جدا. Ensuite, la troisième verset, wa shahidin wa mashhud. Je jure par un témoin et mashhud, c'est-à-dire ce dont il témoigne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le témoin et ce dont il témoigne. Eh bien, en vérité, comme il le dit Cheikh Sa'di, ou bien alors comme il l'a dit aussi Cheikh Al-Uthaymeen, à partir du moment où il n'y a rien qui montre que ce verset désigne quelque chose de précis, eh bien, tout ce qui est dans le sens de témoin et témoignage, ils rentrent dans ce verset-là. Par exemple, ils ont dit des exemples, les ulama du tafsir, par exemple, ils disent, ce verset, il parle notamment de Mohammed et sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que dans des versets, Allah nous dit que il va ramener le prophète comme témoin contre cette communauté au jour du jugement. Ou alors aussi, par exemple, que cette communauté tout entière, elle est témoin contre les autres communautés. Comme ça a été rapporté dans certains hadiths, que certaines communautés, quand Allah va leur dire « Est-ce que vous avez reçu un prophète ?» Ils diront « Non. Non, on n'a reçu personne. » Et c'est là que les musulmans, au jour du jugement, ils vont témoigner parce qu'ils connaissent le Coran. Et ils savent que Nuh, Shu'aib, Hud, etc., etc., ils sont bel et bien venus. Ils ont bel et bien transmis le message et le tawhid. Et donc, ils témoigneront contre les autres communautés. Ou alors, dans le sens de témoin et sur qui on témoigne, il y a aussi l'ensemble des prophètes qui seront des témoins contre leur peuple. Comme Isa, quand il va témoigner contre les chrétiens qui l'ont pris, lui et sa mère, comme des dieux en dehors d'Allah. Et qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je n'ai fait que leur dire ce que tu m'as dit de leur dire. Donc, c'est un témoin contre eux. Ou alors aussi, les témoignages qui sont contre l'être humain lui-même. Par exemple, la terre. La terre, Allah Azza wa Jalla nous a dit qu'elle allait parler au jour du jugement. Allah va lui inspirer de raconter son histoire. C'est-à-dire de raconter tout ce qu'il s'est passé à sa surface. Donc ça, c'est contre les êtres humains. Ou alors aussi les membres de la personne. Ses mains, ses pieds, sa langue, ils vont parler. Et Allah Azza wa Jalla est capable de faire parler toute chose. Ils vont parler contre eux, leur propriétaire, au jour du jugement. Donc ce verset, il est très général. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Et Allah, donc il y a tellement de choses qui rentrent dedans. Et c'est tellement important qu'Allah a juré par ça. Par le témoin et ce dont il témoigne. وَالْمُقْسَمُ عَلَيْهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْقَسَمُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْبَاهِرَةِ وَحِكَمِهِ الظَّاهِرَةِ وَرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ وَقِيلَ إِنَّ الْمُقْسَمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. يعني ما هو المقسم عليه؟ يعني الله عز وجل في هذه الآيات الثلاث أقسم، لكن على أي شيء يقسم؟ ما هو موضوع القسم؟ يقال إن موضوع القسم موجود ومتضمن في هذه الآيات، وهي البروج واليوم الموعود والشاهد والمشهود عليه. ويقال يعني تفسير آخر، وفي الحقيقة كله صحيح وكله محتمل. المقسم عليه قصة أصحاب الأخدود. لأنها جاءت بعد القسم. Donc le cheikh il dit, donc ici Allah a juré par trois choses. Mais quel est le sujet pour lequel il a juré? C'est-à-dire quand on jure, je dis par exemple, Wallahi, je vais venir demain. Wallahi, j'ai vu un tel faire ça. Donc là, sur quoi Allah a juré? Certains ils ont dit que l'objet pour le sujet sur lequel il a juré, c'est ce qui est contenu dans les trois versets. C'est-à-dire les trois versets, c'est à la fois il jure et ça contient la chose pour laquelle il jure. C'est-à-dire sa grandeur par le fait qu'il y a des constellations, sa grandeur par le fait qu'il y a le jour du jugement et aussi par le témoin et ce dont il témoigne. Et d'autres, ils ont dit non. Sur ce sur quoi il a juré, c'est ce qui est venu après l'histoire de Ashab al-Ukhdud. Qutila Ashab al-Ukhdud wa hadha du'a'un 'alayhim bil halak. Yani qutila, yani هذا الدعاء عليهم أن يهلكوا والأخدود الحفر التي تحفر في الأرض. Donc ensuite il a dit قتل أصحاب الأخدود, que soit tué, en fait c'est une parole d'Allah qui veut dire qu'il soit détruit ou qu'il soit maudit, les gens des الأخدود, des fossés. الأخدود c'est des trous qu'on fait dans la terre. وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قوما كافرين. ولديهم قوم مؤمنون فراودوهم للدخول في دينهم يعني في كفرهم فامتنع المؤمنون من ذلك فشق الكافرون أخدودا في الأرض وقذفوا فيها النار وقاعدوا حولها وفتنوا المؤمنين وعرضوهم عليها فمن استجاب لهم أطلقوهم يعني من دخل في كفرهم نجوه يعني يتركونه ومن استمر على الإيمان قذفوه في النار وهذا في غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال قتل أصحاب الأخدود ثم فسر الأخدود بقوله النار ذات الوقود. Donc le cheikh il explique أصحاب الأخدود, les gens des fossés, c'était un peuple, c'est-à-dire Allah les a appelés comme ça parce que c'était un peuple de mécréants et parmi eux vivaient des croyants. Donc ça c'est dans les communautés d'avant. Et ils essayaient de faire rentrer les croyants de leur communauté dans leur mécréance. Et ces croyants, ils ont résisté, ils ne voulaient pas revenir à la mécréance. Donc ils ont creusé des fossés dans la terre et ils ont mis dedans du bois pour le brûler, beaucoup de bois, pour faire du feu. Et ensuite, ils faisaient une épreuve à chacun de ces croyants, fitna. C'est-à-dire, ils lui disaient, soit tu rentres dans notre religion, tu renies ta foi en Allah Azzawajal, ou soit, si tu continues, on te jette dans le fossé. Donc c'était une épreuve. Et comme il le dit Cheikh ici, ça c'est déclarer la guerre à Allah et à son parti que sont les croyants. Et c'est pour ça qu'Allah les a maudits, il les a détruits et il leur a promis le châtiment. ثم فسر الأخدود بقوله النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها يعني أولا هم على الكفر هذا شيء ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب يعني لا ما اكتفوا بكونهم كفارا بل زادوا على ذلك محاربة الذين يؤمنون بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها يعني عذاب شديد يحرقونهم ومع ذلك هم ينظرون يعني إذ هم عليها قعود يعني يقعدون حول النار التي يلقون فيها هؤلاء المؤمنين وينظرون تحريق المؤمنين والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين كما جاء في هذه الآية وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يعني ما نقموا على المؤمنين إلا خصلة يمدحون عليها وبها سعادتهم وهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد يعني العزيز الذي له العزة التي قهر بها كل شيء وهو حميد في أقواله وأوصافه وأفعاله سبحانه وتعالى. Donc ensuite Allah Azza wa Jal a expliqué al-Ukhdud. Il a dit le feu qui avait le waqud, c'est-à-dire qu'il y avait du bois pour être allumé. C'est-à-dire al-Ukhdud, c'était les fossés remplis de bois et ensuite remplis du bois qu'ils ont allumé. Idhum alayha qu'ud, quand ils étaient assis autour de ce feu, c'est-à-dire ils jetaient les croyants dans le feu et ils étaient assis et regardaient. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Et ils étaient témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. C'est-à-dire, ils les ont châtiés, en plus ils regardaient. Donc le shir, il dit, ça c'est une grande tyrannie de leur part. C'est de l'orgueil. Et c'est aussi une grande dureté du cœur. Parce que non seulement ils ont mécru à Allah Azza wa Jal, ils ont renié ses signes. Et en plus, ils ne sont pas suffis de mécroire à Allah. Mais en plus, ils ont combattu ceux qui y croyaient. C'est-à-dire déjà, s'ils avaient juste mécru à Allah, c'est déjà un crime, mais à la limite, certains mécréants, ils laissent les croyants. Ils s'en fichent. Hein, ils disent, chacun, il fait sa vie. Mais eux, ils ont réuni les deux grands crimes. Non seulement ils mécroient, et en plus, ils combattent ceux qui veulent croire. Et ils les ont châtiés d'un châtiment, comme il le dit Cheikh ici, qui fait ton cœur, il se fend quand tu entends le châtiment qu'ils leur ont fait. C'est-à-dire, ils les jetaient dans le feu, et en plus, ils s'assoient, ils regardent pour voir leur châtiment. Et qu'est-ce qu'ils leur ont? C'est-à-dire, en même temps, comme il est dit dans le verset, il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, Al-Aziz Al-Hamid. C'est-à-dire, pourquoi ils leur ont fait ça? Quelle est la seule chose, qu'ils leur ont reproché, c'est d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule chose qu'ils leur ont reproché. Alors qu'à la base, c'est une qualité par laquelle ils sont loués. C'est une bonne qualité qu'ils avaient et c'est quelque chose qui cause leur bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Mais ils en ont fait un reproche par lequel ils les ont châtiés. Et Allah, il a dit, parce qu'ils croyaient en Allah, Al-Aziz, Al-Hamid. Al-Aziz, c'est celui qui a l'Izza. L'Izza, c'est dur à traduire. C'est comme la force ou la puissance, c'est-à-dire la suprématie, par laquelle il a la suprématie sur toute chose. Al-Hamid. Al-Hamid, ça veut dire Mahmoud, c'est-à-dire celui qui mérite Al-Hamd, celui qui est loué et qui mérite d'être loué. Pourquoi il mérite d'être loué, Allah Azza wa Jal? Parce qu'il a les noms les plus parfaits, les meilleures qualités, et aussi les actes parfaits. C'est-à-dire les actes d'Allah sont tous faits de miséricorde ou de justice. Il n'y a pas d'injustice ni d'ignorance dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait, il est loué, il est Hamid, subhanahu wa ta'ala. الذي له ملك السماوات والأرض خلقا وعبيدا يتصرف فيهم تصرف المالك بملكه. Ensuite il a dit, celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, c'est-à-dire tous sont ses créatures et tous sont soumis à lui, et il les gère comme un roi il gère ses sujets. والله على كل شيء شهيد علما وسمعا وبصرا أفلا خاف هؤلاء المتمردون على الله أن يبطش بهم العزيز المقتدر أو ما علموا أنهم جميعهم مماليك لله ليس لأحد على أحد سلطة من دون إذن المالك أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم مجاز لهم على فعالهم كلا إن الكافر في غرور والظالم في جهل وعمى عن سواء السبيل. Ensuite il a dit, pour conclure, والله على كل شيء شهيد. Mais Allah est témoin de toute chose. C'est-à-dire, il sait toute chose, il entend toute chose et il voit toute chose. Donc normalement, ceux-là, ils auraient dû craindre Allah. Ces rebelles, comme il le dit le shirk, qui se sont rebellés contre Allah subhanahu wa ta'ala, ils devraient craindre qu'Allah ne les saisisse. Et ils devraient savoir que tous ne sont que des serviteurs d'Allah et des créatures d'Allah. Et aucun d'entre eux n'a pouvoir sur l'autre si ce n'est par la permission du roi, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'ils n'ont pas compris qu'Allah Azza wa Jal est muhitun bi'a'malihim, c'est-à-dire il cerne leurs actes et il connaît leurs actes et il va les punir pour leurs actes. Mais le mécréant, il est trompé, il est dans une illusion, c'est-à-dire il croit qu'il a de la puissance, il croit qu'il fait ce qu'il veut, et il est dans une ignorance et dans un aveuglement, il est loin du droit chemin. Donc cette histoire, quelque part, elle fait une consolation aux croyants. Parce que quand tu sais que les gens dans les communautés d'avant, ils ont été éprouvés comme ça, quand toi, on te regarde seulement dans la rue parce que tu as une barbe, et quand tu rentres, tu te plains, ouais, j'en ai marre, les gens ils me regardent, subhanallah. Ça, c'est des épreuves par rapport à ce qu'eux, ils ont subi, c'est rien du tout. Parce qu'à la NPE, on t'a jeté une fois ou deux, ça, c'est des épreuves, mais Allah, il est rahim bina. Il nous a fait une miséricorde, parce que vu les épreuves que ceux d'avant ils ont vécues, ou même pas ceux d'avant, parce que ce genre de adab, les musulmans ils le vivent maintenant dans les quatre coins du monde musulman, ils le vivent, pas seulement dans ce que vous entendez à la télé, parce qu'à la télé ils parlent toujours des mêmes pays, ils parlent toujours de la Palestine, mais jamais ils parlent de la Tchétchénie et les massacres qui se passent là-bas, jamais ils parlent de ce qui se passe en Inde, au Cachemire. Jamais ils parlent, ça c'est quelque chose, vous allez dire, ah bon, en Indonésie, 200 millions de musulmans et ils se font encore massacrer par des chrétiens qui sont en minorité chez eux. Et ça existe. Moi je le sais parce que j'avais des copains indonésiens. Son école complète, elle s'est fait massacrer pendant qu'il était avec moi à Médine, où il avait appris l'arabe, etc. Ses profs, ses camarades, tous massacrés. Ça c'est encore présent maintenant. Et qu'est-ce qu'on leur reproche? D'avoir cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on doit se consoler. C'est-à-dire, nous en vérité, nous, on est les enfants gâtés de l'islam. On est les enfants gâtés du monde musulman. Alhamdoulilah, c'est une ni'ma d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que nos épreuves, elles sont faibles. Nous, on est éprouvés par la maladie, par le regard des gens, par un peu de racisme, d'islamophobie, mais ça c'est rien en vérité. C'est rien du tout par rapport à ce que certains musulmans ils vivent encore maintenant. ثم وعدهم وأوعدهم وعرض عليهم التوبة فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أي العذاب الشديد المحرق. قال الحسن, يعني ما أدري الحسن البصري أو حسن ابن علي, لكن غالبا هو الحسن البصري رحمه الله, انظروا إلى هذا الكرم والجود من الله عز وجل. هم قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة, يعني مع أنهم عذبوا المؤمنين الله عز وجل يذكر أنهم إن لم يتوبوا يعذبهم, بمعنى أنهم إن تابوا تاب الله عليهم. هذا من سعة رحمته سبحانه وتعالى. Ensuite il a dit ceux qui ont tenté les croyants, c'est-à-dire qu'ils les ont éprouvés, qu'ils les ont brûlés, qu'ils les ont tués, qu'ils les ont torturés, etc. Qui ont éprouvé les croyants et les croyantes et qu'ensuite ils ne se repentent pas, ceux-là ont le châtiment de la géhenne, c'est-à-dire de l'enfer, et ils ont le châtiment de al-hariq. Hariq, c'est-à-dire le feu qui brûle. Et al-Hassan a dit, al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit, regardez la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tué ses alliés, ils ont tué les croyants, et ils ont tué ceux qui lui obéissent, et lui il les appelle à se repentir. Parce que ça c'est un appel général à tous les koufars, et notamment ceux qui punissent et qui torturent et qui tuent les musulmans. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Il n'a pas dit ceux qui font ça ils sont fichus. Il a quand même ouvert la porte du repentir. Il a dit ceux qui ont éprouvé les croyants et les croyants, et qui ensuite ne se sont pas repentis. Ceux-là ont le châtiment de l'enfer et le châtiment du feu brûlant. C'est-à-dire, s'ils se repentent, Allah va quand même accepter le repentir. Et ça s'est trouvé déjà quand le plus vieil exemple dans notre communauté, c'est déjà chez les Sahaba. Omar ibn al-Khattab, al-Farouq, Amir al-Mu'minin, il faisait partie de ceux qui faisaient des misères aux musulmans au début de l'islam. Abu Sufyan ibn Harb, radiallahu anhu, wa an ibnihi, wa an ibnatihi Umm al-Mu'minin, wa an zawjatihi Hind, il faisait partie de ceux qui étaient parmi les pires ennemis du prophète, radiallahu anhu. Mais après il a compris, et comme il a dit adkhalallahu al-iman fi qalbi, Allah a rentré la foi dans mon cœur. Ou alors sahabi al-habashi, non pas Bilal, comment il s'appelait, Wahshi, voilà, al-habashi, l'esclave éthiopien qui a tué Hamza, Amun Nabi, il a tué l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui il a tué plus tard? C'est pour ça il disait j'ai tué le meilleur des hommes et j'ai tué le pire des hommes. Il a tué Musaylima après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Hurub al-Ridda, c'est-à-dire les guerres menées par Abu Bakr contre ceux qui étaient sortis de l'islam parmi les Arabes, et notamment à l'est de la péninsule ceux qui avaient suivi le faux prophète Musaylima, et c'est lui qui a tué Musaylima alors qu'avant à l'époque il a tué Hamza. Regardez comment Allah Azza wa Jal retourne les choses, comme c'est cité dans le hadith qu'Allah rit de deux hommes dont l'un tue l'autre et les deux rentrent au paradis. Les sahaba ils ont dit comment est-ce possible, et il a dit ben ils font une guerre, le mécréant il tue le musulman, donc le musulman il rentre au paradis, et plus tard ce mécréant il se convertit, il se fait tuer, il rentre au paradis. Donc celui qui meurt et celui qui l'a tué, il se retrouve des amis au paradis. Ça c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين فقال إن الذين آمنوا يعني بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الذي حصل به الفوز برضا الله ودار كرامته. Ensuite après Allah عز وجل, après qu'il ait mentionné le châtiment des injustes, il mentionne la récompense des pieux, et il dit ceux qui ont cru, c'est-à-dire par leur cœur, et qui ont fait les bonnes œuvres, c'est-à-dire par leurs membres, ceux-là ont les paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, et voilà la grande réussite, c'est-à-dire par laquelle ils ont la satisfaction d'Allah d'une part, et par laquelle ils rentrent dans la demeure de Al-Karama, c'est-à-dire des honneurs et de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna batsha rabbika la shadid. Ay inna 'uqubatahu li ahli al-jara'im wa al-dhunubi al-'idham la qawiyyatun shadida. Wa huwa bil mirsad lidh-dhalimin kama qala Allah ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun shadid. Ensuite le verset suivant dit inna batsha rabbika la shadid. Le batsh c'est akhdh, c'est-à-dire la prise. Quand Allah prend quelqu'un, c'est dur. La prise de ton Seigneur est dure. C'est-à-dire que quand il châtie ceux qui font des grands péchés, et il est, Allah Azza wa Jal, il est bilmirsad, c'est-à-dire il est à l'affût. Il n'y a rien qui lui échappe. Eh bien, son châtiment, il est très douloureux. Comme il a dit dans un autre verset, voilà comment est la prise de ton Seigneur quand il a pris les cités, al-Qura, c'est-à-dire les gens des villes qui ont mécru au prophète. Alors qu'elles étaient injustes, et son châtiment est alim shadid, c'est-à-dire douloureux et dur. Ça, ce verset, il suffit pour que tu t'écartes des péchés. C'est-à-dire parce qu'Allah, il peut te laisser faire des péchés longtemps et il n'y a rien qui t'arrive. Alors tu crois que c'est à l'aise, je peux continuer. Mais sache que Allah Azza wa Jalla, inna batsha rabbika la shadid. Peut-être là, il te laisse, mais quand il va te prendre, tu vas pas la sortir, yani, ou plutôt tu vas le sentir passer. Ça va être dur à avaler. Donc, il faut se rappeler toujours ce verset. Inna batsha rabbika la shadid. Peut-être il te laisse, mais quand il te prend, c'est très dur. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ay huwa al-munfaridu bi ibda'il khalq wa i'adatihi, fala musharika lahu fi dhalik. Ensuite, il a dit, c'est lui qui commence et c'est lui qui répète. C'est-à-dire que le fait de commencer la création et le fait de la faire revenir, c'est Allah seul qui le fait et il n'a pas d'associé dans ça. Et ça veut aussi dire que les décisions et les ordres universels viennent d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-ghafur alladhi yaghfiru adh-dhunuba jami'aha liman taba wa ya'fu 'ani as-sayyi'ati liman istaghfarahu wa anab. Ensuite il a dit wa huwa al-ghafur, il est al-ghafur, c'est-à-dire le pardonneur, celui qui pardonne tous les péchés pour celui qui se repent. Wa al-wadud yani wa huwa al-ghafur al-wadud al-wadud alladhi yuhibbuhu ahbabuhu mahabbatan la yushbihuha shay. فكما أنه لا يشابه شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها شيء من أنواع المحبة كما قال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله ولهذا كانت محبته أصل العبودية وهي المحبة التي تتقدم جميع المحب وتغلبها وإن لم يكن غيرها تبعا لها كانت عذابا على أهلها وهو تعالى الودود الواد لأحبابه يعني الودود له يعني إذا نظرنا إلى هذا الكلام بدقة يقصد أن له معنيان الودود يعني المحبوب الذي يحبه المؤمنين محبة لا يساويها بعد ذلك محبة وهو الواد يعني الذي يحب أهله يعني المؤمنين كما قال تعالى يحبهم ويحبونه والمودة هي المحبة الصافية يعني هي درجة فوق المحبة يعني المحبة الخالصة وفي هذا سر لطيف حيث قارن الودود بالغفور ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم فلا يقال بل تغفر ذنوبهم ولا يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين يعني قوله الغفور الودود فيه إشارة إلى أن الظالم المجرم المشرك الكافر المذنب إذا تاب وأناب يستطيع أن ينال مودة الله عز وجل ليس الأمر أن الله يغفر له فقط ثم الله لا يحبه لا بل الله عز وجل يتوب عليه يغفر له وكذلك يوده يعني يحبه. Ensuite il a dit وهو الغفور الودود. Il a dit, donc الغفور il a dit الودود. الودود il a expliqué par deux choses en fait. الودود ça veut dire celui qui est aimé et celui qui aime. Mais ça vient du mot mawadda qui veut dire l'amour. Mais c'est pas le même que mahabba. C'est autre chose. C'est une mahabba mais plus pure. Donc et au-dessus. de la mahabba. Le mawadda, c'est au-dessus de la mahabba et c'est plus pur. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il est aimé, d'une part, d'un amour, c'est-à-dire l'amour que les croyants y voient à Allah, c'est un amour qui est égalé par rien du tout. Et toutes les autres sortes d'amour, si elles ne suivent pas, il l'a dit ici dans le tafsir, si ils ne suivent pas l'amour d'Allah, elles seront une douleur pour la personne. C'est-à-dire que le croyant, il aime Allah par-dessus tout, et il aime pour Allah. C'est-à-dire il va aimer les gens par rapport à Allah. C'est-à-dire s'ils croient en Allah, ils lui obéissent. Et il va détester les gens si eux-mêmes ils détestent Allah, ils lui désobéissent. Donc son amour, il suit l'amour d'Allah. Donc par ça, il va être tranquille, il va être serein. Mais s'il a un autre amour qui est contraire à ça, cet amour-là, même s'il peut ne pas être interdit, il peut être parfois naturel ou pour les choses de dunya, mais ça va se retourner contre lui. Ça va lui causer un malheur. Ici-bas et aussi dans l'au-delà, quand il sera séparé de celui qu'il aimait, qui pouvait être un mécréant ou un fasir, ou etc., etc. Et le wadoud, dans l'autre sens, c'est qu'Allah aime. Donc le wadoud, il a deux sens, celui qui est aimé et celui qui aime. Et Allah, dans plusieurs versets, il dit qu'il aime, par exemple, al-muhsinin, il aime al-sabirin, les patients, il aime al-mu'minin, yuhibbu al-ladina al-taqaw, ceux qui craignent. Et ici, il a cité le verset où il dit, il les aime et il l'aime. C'est-à-dire, l'amour entre Allah et les croyants, c'est un amour réciproque. Et il dit, il y a un secret dans ce verset, c'est qu'Allah, il a réuni ces deux noms, Al-Ghafour et Al-Wadud, le pardonneur et celui qui aime et celui qui est aimé. Pourquoi ? Pour attirer, pour indiquer que celui qui faisait les péchés, s'il se repent, c'est pas juste qu'Allah va lui pardonner, mais il l'aime pas, parce qu'il faisait des péchés avant. Non seulement il va lui pardonner, il accepte son repentir, et en plus il va aussi pouvoir, comme les croyants, être aimé par Allah, parce qu'il s'est repenti. بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل له راحلة عليها طعامه وشرابه وما يصلحه فأظلها في أرض فلات مهلكة فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت فبينما هو على تلك الحال إذا راحلته على رأسه فأخذ بخطامها فالله أعلم فرحا فالله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته وهذا أعظم فرح يقدر. Donc il a cité, et ça on avait déjà lu le hadith dans Riyad al-Salihin, qu'Allah est plus heureux du repentir d'une personne quand elle revient à lui qu'un homme, c'est-à-dire c'est à l'exemple d'un homme qui était dans le désert avec son chameau. Et il est dans une terre déserte, c'est-à-dire il n'y a personne. Et alors qu'il s'endort sous un arbre, sous l'ombre d'un arbre, et quand il se réveille, il a perdu son chameau, qui portait sa nourriture et sa boisson et tous ses besoins. Donc il a devant lui que la mort. Il est dans un grand désespoir. Donc il s'allonge par désespoir et il s'endort, et quand il se réveille, il retrouve son chameau. Comment il va être heureux celui-là ? D'un grand bonheur. Et le prophète, il nous dit, Allah, il a aussi le bonheur, c'est-à-dire il est heureux aussi de la personne quand elle se repent à lui. Donc ça fait partie des sifats, des qualités d'Allah, al-farah, c'est qu'Allah se réjouit de celui, notamment, il n'y a pas que de ça, mais de celui qui se repent vers lui. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالثَّنَاءُ وَصَفُّ الْوَدَادِ مَا أَعْظَمَ بِرَّهُ وَأَكْثَرَ خَيْرَهُ وَأَغْزَرَ إِحْسَانَهُ وَأَوْسَعَ امْتِنَانَهُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ أي صاحب العرش العظيم الذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض والكرسي فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلات بالنسبة لسائر الأرض وخص الله العرش بالذكر لعظمته ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى وهذا على قراءة الجر يعني المجيد يكون المجيد نعتا للعرش وأما على قراءة الرفع يعني المجيد فإن المجيد نعت لله والمجد سعة الأوصاف وعظمتها. Donc ensuite il a dit à propos de lui-même, ذو العرش المجيد, celui qui possède le trône, المجيد. المجيد c'est-à-dire le grand, le sublime. مجيد c'est-à-dire celui qui a des grandes qualités et des grands des grandes spécificités, des grandes qualités. Donc Allah Azzawajal, il s'est nommé ici comme celui qui possède le grand trône. Et ce trône, il y a beaucoup de hadiths qui en parlent, il est plus grand que les sept cieux. Et Al-Kursi, qui est en dessous du trône, il représente par rapport au trône comme si tu jetais une pièce dans, dans un désert. Et ensuite, le septième ciel, par rapport au Kursi, il représente comme si tu jetais une pièce dans un désert. C'est-à-dire le Kursi, c'est le désert, et la pièce, c'est le septième ciel. Et ainsi de suite, jusqu'à la terre. C'est-à-dire le sixième par rapport au septième, etc. Donc c'est pour donner approximativement, yani, une idée de la grandeur de l'Arsh. Et c'est la créature d'Allah qui est la plus proche de lui. Puisque lui, il est élevé au-dessus du trône. Donc c'est la créature d'Allah la plus grande et celle qui est la plus proche de lui. C'est pour ça qu'il l'a cité ici. Et il l'a cité, donc après il a dit « Zul Arsh al-Majid ». Le Majid, c'est un adjectif. Mais est-ce qu'Allah ici a voulu dire « Zul Arsh » et il s'arrête, c'est-à-dire celui qui a le trône. Et après il dit « Al-Majid », c'est-à-dire en parlant de lui-même, Allah. Donc on dirait « Al-Majidou ». Ou est-ce qu'il veut dire « Zul Al-Arsh al-Majid », celui qui a « Al-Arsh al-Majid », le trône qui est « Majid ». Les deux, ils sont possibles. Et il faut que retenir une règle dans le tafsir. C'est que quand inversé, il peut supporter deux significations. Et que les deux, elles ne se contredisent pas. Eh bien, justement, ça fait partie de la grandeur de la parole d'Allah. C'est que les deux, on les prend. Justement, ça fait partie des miracles du Coran. Qu'en une phrase, elle a deux significations, mais les deux, on les prend, en fait. Ça fait partie des secrets et des miracles du Coran. Donc ici, les deux sont valables. On peut dire « Al-Majidi ». Donc si on dit « I » à la fat Majid, c'est-à-dire c'est le trône qui est Majid, ou si on dit « Al-Majidou », ça revient à Allah, qui est parmi les noms d'Allah, bien sûr, il y a « Al-Majid ». Et il dit « Al-Majd », le Majid, ça vient de « Al-Majd ». « Al-Majd », c'est la grandeur des qualités. Quelque chose qui a de grandes qualités, il est « Majid ».« Fa'alun lima yurid, ay mahma arada shay'an fa'alahu, idha arada shay'an qala lahu kun fayakun. » وليس أحد فعال لما يريد إلا الله فإن المخلوقات ولو أرادت شيئا فإنه لابد لإرادتها من معاون وممانع والله لا معاون لإرادته ولا ممانع له مما أراد يعني الإنسان الله عز وجل له إرادة والإنسان له إرادة ولكن هل الإرادتان متساوية؟ لا الإنسان ربما يريد شيئا ولا يصيبه يعني هناك شيء يمنعه أو يحتاج إلى معاونة ليصل إلى هذا الشيء المراد أما الله عز وجل هل يمنعه مما يريد شيء أبدا إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فرق بين الإرادتين ensuite il a dit à propos de lui-même فعال لما يريد celui qui fait ce qu'il veut. C'est-à-dire Allah, quand il veut une chose, il l'a fait. Et personne ne peut l'empêcher. Donc Allah a une volonté. L'être humain aussi, il a une volonté. Mais elles ne sont pas pareilles. C'est-à-dire la volonté d'Allah, il n'y a personne qui l'aide à accomplir ce qu'il veut. Et il n'y a personne qui peut l'empêcher. Alors que l'être humain, quand il veut quelque chose, il a besoin de facteurs qui vont l'aider à faire cette chose ou à l'acquérir. Et il y a aussi des facteurs qui peuvent l'empêcher de ce qu'il veut. Donc sa irada, sa volonté, c'est une volonté en vérité réduite, alors que la volonté d'Allah elle est parfaite. Quand il veut une chose, il dit soit, et la chose elle est. ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسله فقال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود يعني كيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين بل الذين كفروا في التكذيب أي لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد لا تنفع فيهم الآيات ولا تجدي لديهم العظات والله من ورائهم محيط أي قد أحاط بهم علما وقدرة كقوله إن ربك لبالمرصاد ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره بل هو قرآن مجيد أي وسيع المعاني وعظيمها كثير الخير والعلم في لوح محفوظ من التغيير والزيادة والنقص ومحفوظ من الشياطين وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى والله أعلم. Donc il finit les derniers versets en disant هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. C'est-à-dire, est-ce que te sont parvenues l'histoire des armées de Pharaon et de Thamoud? Donc ce n'étaient pas les mêmes époques. Thamoud, c'était des peuples arabes auxquels est venu le, peuple, le prophète Saleh. Et Pharaon, vous connaissez avec Moussa. Et Pharaon, c'est un mot qui désigne tous les chefs de l'Égypte à l'époque. Donc ils ont démenti les prophètes et Allah les a détruits. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ. Mais ceux qui ont mécru sont dans le fait de démentir, c'est-à-dire continuellement ils démentissent, même quand ils reçoivent des signes et des exhortations. وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ. Mais Allah les cerne derrière eux, c'est-à-dire il les cerne à la fois par sa science et par son pouvoir, c'est-à-dire il sait tout ce qu'ils font et il est capable de les prendre quand il veut. Donc ça c'est un wa'id, c'est-à-dire une menace pour les mécréants. Après il a dit à la fin, بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ. Mais c'est une lecture, c'est-à-dire un Coran majid qui est dans une tablette protégée. C'est-à-dire le Coran majid, c'est-à-dire comme on l'a dit, majid c'est quelque chose qui a de grandes qualités. Donc le Coran il a de grandes significations et il englobe beaucoup de biens et beaucoup de savoirs. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ, c'est-à-dire il est dans une table protégée. Ça c'est l'Lawh qui est au ciel, dans laquelle Allah a inscrit toutes choses, et notamment il a inscrit sa parole, subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran. Mahfouz, et il a qualifié cette table, cette tablette de protégée, parce qu'elle est protégée du changement. Ce qui est écrit dedans, il ne change pas. Il est protégé des mains des créatures, et il est protégé des shayatines. Donc c'est pour ça, et ça montre la hauteur et la place du Coran. Donc on arrête là pour Al-Buruj. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.